Lorsqu'on doit parcourir une distance assez courte, la météo est un facteur déterminant du choix du mode de locomotion. D'autres paramètres entrent en compte, le transport d'un objet encombrant, d'un enfant en bas âge, etc. Mais si je n'ai aucune contrainte que celle de me déplacer à 3 km de chez moi et que le ciel est au beau fixe, autant adopter le vélo plutôt que l'auto. En voiture, au bout de 3 km, le moteur n'aura pas atteint sa température idéale et j'aurai consommé un maximum de carburant pour un trajet très court. Réponse A.